laisse précieuse de la savane. Viens à mon hôtel, notre foyer. Quand viendra ton chant ce samedi? Les rayons du soleil captivent tes yeux. Et si l'on dit que je t'exalte, réponds par le bonheur. Un homme passionné par tes rires et murmures. Crois-tu en l'amour? Demandes-tu? Tu en es la prêtresse. Et ton chant la cadence d'un abandon irrévérencieux. Moi, prophète à qui Dieu dit, tu mérites un cœur pur. L'amour absent de ta nation, tu le trouveras dans la savane de sucre. Devant la Vierge, je proclame ma dévotion à ton mystère et ce que j'étais avant toi, je renie. Mes irrévérences à tes pieds, je dépose. Deux.